Chapitre 4. Le dimanche matin se produisit à la Boucharier un événement dramatique. Hortense y assista en secret et voici le témoignage qu'elle en fit quelques heures plus tard. Mon père était en train d'aiguiser ses outils sur une table devant la porte. « C'est vous le père Meffre ?» demanda un homme. Je passais le balai dans la salle, mais ne reconnaissant personne au son de la voix, je me dissimulais derrière l'entrebâillement de la porte d'entrée pour espincher. « Oui, c'est moi, Meffre !» répondit mon père qui envoya au chien un coup de pied en traître pour ne pas avoir aboyé. Il se mit à détailler le nouveau venu qui se dandinait d'un pied sur l'autre, les jambes traversées de tremblements nerveux avec des ondulations de serpent. « Oh là !» dit mon père. « Encore une broque ou un fada de l'assistance. J'ai besoin de rien. Allez, du vent !» Mais l'homme s'assit à la table en face du père. « Vous êtes seul ? » demanda-t-il. « Ça se voit pas ?» répondit mon père. Je compris alors qu'il voulait me laisser en dehors de cette affaire. L'homme faisait sauter des pièces dans sa main, puis, une à une, il les aligna sur la table. 5 beaux napoléons brillants de 1000 feux. « C'est la moitié de ce qu'on me donne pour vous assassiner. Quand j'aurai fait le boulot, j'aurai l'autre moitié, » dit l'homme. Ayant dit, il planta fortement la lame de son couteau dans le bois de la table. J'eus peur, mais mon père parut réfléchir, comme si la vue de l'or l'avait soudain réveillé. « Je connais bien que ma mort arrangerait, et tu vas m'assassiner, toi, fada !» s'exclama le père, en se saisissant d'une grande serpette. Je commençais à me faire du souci, mais l'homme dit « Rangez ça, père Meffre. Avant que vous n'ayez fait un geste, je vous ai renvoyé à de patresse, et si vous vous mettez à crier comme un cochon qu'on égorge, personne ne vous entendra. Vous êtes seul ici. » Mon père ne parla pas de moi, mais sa respiration s'accéléra et se mit à chuinter. L'homme reprit « J'ai mieux à vous proposer, père Meffre. Si vous me donnez le double, je vous laisse la vie sauve. C'est une bonne affaire, non ?» Et il replia son grand couteau, puis l'enfuit dans la poche. Je fus un peu rassuré, mais je sentis que mon père hésitait. Comment savoir si ce fou disait ou non la vérité? 20 napoléons n'était pas pour lui une somme exorbitante. Il fallait voir. Il continua à aiguiser ses outils pendant que l'homme faisait rouler les pièces sur la table. Puis soudain, père se ravisa. « Écoute, mon beau, marché pour marché, il m'est venu une autre idée. Je suis prêt à te donner 25 louis si tu me débarrasses du type qui m'en veut. Pour toi, c'est pareil, puisqu'il te fallait tuer quelqu'un. Mais tu auras ainsi gagné 30 louis sans trop te fatiguer. » Je me demandais bien ce que c'était que ce trafic, mais l'homme s'écria. « Top est là, père Meffre, affaire conclue, mais je veux les sous tout de suite. » Voyant mon père se diriger vers l'intérieur, je me réfugiai dans ma chambre. Meffre ressortit et je pus reprendre mon poste d'observation. « Voilà, fripouille, compte. Et si jamais tu ne fais pas ton boulot, je saurai bien te coincer, vermine. »« Ouh, de Dieu !» s'écria l'homme. « Je sais pas ce qui me retient de te casser la tête. » Se disant, pris d'une soudaine colère, il saisit père par les revers de sa vareuse et le plaqua contre le mur. Puis il se mit à le secouer très fort. Mon père, surpris, ne pensait même pas à se débattre. L'entrevue commençait à mal tourner et j'étais affolé. Je fis un violent effort pour ne pas hurler et me cachai le visage dans les mains. Qu'allait-il faire de moi? Je fus un peu longue à reprendre mes esprits, et quand je regardai de nouveau, l'homme n'était plus là, mais mon père gisait inanimé au pied du mur, les jambes écartées, la tête sur l'épaule. Je surgis alors de ma cachette. Je crois bien que mon père avait passé. Alors je n'ai plus réfléchi. Aussi vite que je pus, je sortis flambard le percheron par l'arrière de l'écurie. Je l'enfourchai accru et me dirigeai vers Ayane au trot soutenu, brinque-ballant sur ma bête comme une grande poupée de chiffon. Je devais ressembler à une demi-folle. Voilà donc ce qui se passa à la Boucharier ce dimanche-là, tel qu'Hortense, qui disait avoir tout vu, le raconta aux gendarmes et aux juges. Quelques minutes plus tard, cet événement trouva son prolongement dans le témoignage qu'en fit Garcin. J'étais occupé à bêcher un carré devant chez moi, et j'ai distingué un homme qui marchait d'un bon pas vers ma ferme. Plus près, j'ai reconnu mon copain Séraphin. « Oh, Séraphin, tu passais par là ?» je lui ai demandé. « Eh ouais, j'arrive de là-haut, » me dit-il en montrant la direction du nord avec un regard sournois. « Ah, bon, eh bien, tu boiras bien un coup, hein ?»« C'est pas de refus. Les émotions, ça donne soif, » qu'il me répondit. Je mis un peu de temps à trouver la bouteille et deux verres. « Bon Dieu, où est-ce que j'ai mis cette foutue bouteille ?» ai-je dit à Séraphin. Une fois dehors avec la bouteille, je m'aperçus que j'avais oublié les verres. Alors je suis retourné dans la maison. Dès qu'on a eu bu notre coup, je me suis remis à l'ouvrage, sous l'œil amusé de Séraphin qui palpait des sous dans sa poche. Quelques minutes plus tard, deux gendarmes à cheval sont apparus sur le chemin, précédant ma fiancée qui tressautait sur son bidet, les cheveux défaits. Dès qu'elle eut mis pied à terre, elle se précipita dans mes bras, les larmes aux yeux. « Arrêtez-le, c'est lui, je le reconnais bien !» qu'elle cria, en montrant Séraphin qui déjà prenait la tangente. Les gendarmes eurent au fait de le rattraper et le coincèrent contre les poitrails de leur bête. « Allez !» dit le brigadier. « Ne fais pas de difficultés, sinon laisse nos chevaux te piétiner. » Ils lièrent les mains de Séraphin avec une corde assez longue pour pouvoir le traîner derrière les chevaux. Il avait l'air de ne pas comprendre et gardait le silence. Les gendarmes, convaincus du délit, ne lui posèrent aucune question. « Vous voyez ?» dit ma fiancée au gendarme. « Je ne vous avais pas menti. J'ai tout de suite compris qu'il allait s'en prendre à la prochaine ferme. Heureusement, nous sommes arrivés à temps, sinon mon Eugène y passait aussi. » Ils fouillèrent les poches du prisonnier qui rua bien un peu, mais sans résultat. On trouva dans ses basques une somme rondelette en napoléon. « Il m'a donné de l'argent !» finit par dire Séraphin en me désignant du menton. « Il m'a donné 10 louis !»« Bien sûr !» ironisa un gendarme. « Montre-les-nous, tiens !» Le vieux aussi t'a donné de l'argent, mais ça ne t'a pas empêché de lui tordre le cou et de le dévaliser. « J'étais chez Meuf parce que c'est toi qui me l'as demandé !» cria Séraphin. « C'est lui, c'est Garcin !» Moi, je ne savais plus trop ce qu'il fallait faire ou dire. Les gendarmes s'en prirent encore à Séraphin. « Peu cher. Et tu comptais peut-être partager l'argent du vieux avec lui ?»« C'est ce que tu vas nous dire. Mais on t'a vu, pauvre couillon. Il y a un témoin de ton forfait en la personne de mademoiselle. Eh oui, le vieux n'était pas seul. » « Les salauds !» ragea Séraphin. « Ils m'ont tendu un piège. Ils sont pires que moi. »« Ah, tu es fort pour raconter des bobards !» gronda le chef. « Allez, ton affaire est claire !» À ce moment-là, Hortense a éclaté en sanglots. Elle ne s'arrêtait pas de dire « Ah, mon Dieu, mon Dieu !»« Allez, mademoiselle, soyez courageuse !» dit le chef. « Vous êtes en de bonnes mains. Vous oublierez, vous verrez. » Les deux pandores repartirent au pas vers Fort-Calquier. Au début, Séraphin tenta bien de ralentir l'allure en essayant de résister, mais quand il comprit que les gendarmes le traîneraient sur le ventre jusqu'au bout s'il le fallait, il se contenta de lancer des bordées d'injures de temps à autre. Moi, j'étais complètement abasourdi. Je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé. Voilà donc le témoignage que fit Garcin de la suite de l'incident de la Boucharrière.